et de la fuite dans les idées, et de moins en moins d'arc-en-ciel. Pose ta plume, faut pas rêver. Jette ta plume, sors ton scalpel. Les crapauds qui n'ont rien à vivre ont dans les veines un sang qui rouille, leurs ongles recouverts de givre s'aiguiseront sur ta dépouille. Y'a rien à attendre, nos frères sont blindés. Si tu es trop tendre, tu seras becté. Y'a des murs de bêtises armées, et tes poings n'y suffisent pas. Il faut être fort pour aimer, quand les rires claquent en mille éclats. Les papillons crament leurs ailes en suivant les étoiles filantes. T'as beau te faire beau, te croire belle, t'as beau faire semblant, tu te plantes. Y'a rien à entendre, les plombs ont sauté. Si tu es trop tendre, tu seras becté. Sur le bon canal, y'a des petits matins, pas de grand soir. Cherche pas la cogne, tu vas me faire mal. Les crabes mangent les crevettes, on sème à coups de marteau pilon. Nos illusions sont à la diète, on marche, on court à reculons. Y'a rien à comprendre, les dés sont pipés. Si tu es trop tendre, tu seras becté. Si tu es trop tendre, tu seras becté.